Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. À 5h56, c'est l'heure de retrouver Franck Ferrand pour remonter le temps aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors dites-moi, quel 28 mars avez-vous choisi ? Le 28 mars 1979, il n'y a donc pas si longtemps, jour d'une catastrophe nucléaire, survenue aux États-Unis en Pennsylvanie, à Three Mile Island, il est 4h du matin, quand les pompes du système de refroidissement tombent en panne. Cet incident va provoquer une fusion partielle d'un des deux réacteurs, autant vous dire que la situation est vraiment très inquiétante. Mais j'imagine qu'il y a une procédure pour chaque panne dans ce genre de centrale, Franck. Oui, en l'occurrence, il faut libérer les soupapes de sécurité. Seulement, les choses ne se passent pas comme prévu, cette manœuvre va provoquer l'émission de vapeur d'eau radioactive dans l'atmosphère. Donc, on évacue la population. Même pas. Les autorités préfèrent organiser une conférence de presse pour rassurer la population. Aucune inquiétude selon les officiels. Le taux de radioactivité dans l'air n'aurait rien de nocif. Seulement au fil des heures, les informations deviennent alarmantes. L'autorité de sûreté nucléaire communique mal. Elle se révèle ambiguë sur le danger encouru. On ne sait plus qui croire. Et par précaution, les femmes enceintes, les enfants sont évacués. Ce qui ne rassure personne, inutile de vous dire, c'est bientôt la panique. Affolement, devrais-je dire, 200 000 personnes quittent la région en courant. Et sait-on aujourd'hui quelle était exactement la gravité réelle de la situation ? Alors, vous savez, il est toujours très difficile de le savoir précisément. Les études sont contradictoires, mais l'accident a été classé de niveau 5 sur une échelle de 7. Il a traumatisé l'Amérique. Le président Carter va d'ailleurs annoncer l'annulation des projets de centrales en cours. Le programme nucléaire américain va marquer le pas. Et 7 ans plus tard, ce sera l'Europe qui sera traumatisée avec Tchernobyl. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h, sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée à Maud et Nancy Kennard, la mère et la fille. À tout à l'heure, Franck. Bon réveil si vous...